Leçon 2. Document 1, page 92. Papa, maman, il faut que je vous dise quelque chose. Quoi ? Je veux participer à une émission de télé-réalité. Tu plaisantes ? Je veux devenir célèbre. Célèbre ? Et pourquoi faire ? Tu vas rester au lycée jusqu'à ce que tu finisses tes études et on verra après. Mais tu ne comprends pas, maman. C'est maintenant qu'il faut essayer, avant que je sois trop vieille. Caroline, tu as 16 ans. Et c'est nous qui décidons en attendant que tu sois majeure. Et pourquoi ? C'est ma vie ? Parce que tu es trop jeune pour prendre des décisions aussi importantes. Et d'abord, à quelle émission veux-tu participer ? Je ne sais pas. Star Academy, peut-être ? Tu sais qu'il faut chanter dans cette émission ? J'ai décidé de prendre des cours de chant jusqu'à ce que je sois capable de chanter en public. Il n'en est pas question. C'est non. Un point, c'est tout. Christian dit quelque chose. C'est drôle. Ça me rappelle des souvenirs. Moi aussi, je voulais devenir chanteur avant que mon père parte travailler aux États-Unis. Et puis, on est tous partis avec lui. Et mon rêve s'est arrêté là.